Today I'd like to speak about the third pair of jnana and avarana, the third pair of escape routes or pathways out of the suffering of samsara and its corresponding obstacle. And that pair is called alokasanya. Alokasanya is the way out, and the avarana, or obstacle to that, is tinamida. Aujourd'hui, j'aimerais poursuivre à propos des jnana et des avarana, et donc on passe au troisième jnana et au troisième avarana qui lui correspond. Donc les jnana, ce sont les issues hors du samsara ou les échappatoires. Et les avarana, ce sont les empêchements qui leur correspondent chaque fois. Donc en pali, le troisième jnana, c'est ce qu'on appelle alokasanya. Et le avarana, l'empêchement qui lui correspond, c'est tinamida. Donc alokasanya, aloka signifie lumière, sanya signifie perception, ou alors prendre note, ou alors simplement observer. Donc alokasanya, le mot composé, signifie donc perception de la lumière. Et c'est un jnana, c'est-à-dire un échappatoire, parce qu'il permet aux êtres nobles d'échapper à la souffrance. Tinamida s'est traduit en général par paresse et torpeur. Et il s'agit d'un état d'esprit, d'un état mental terne, lourd, paresseux. C'est un avarana, c'est donc un empêchement, parce que il recouvre ou il bloque la lumière, la perception de la lumière, il empêche la perception de la lumière. Donc alokasanya, aloka ça veut dire lumière. Donc le sens est très très simple en fait. C'est simplement percevoir la lumière. Et d'ailleurs, il y a un exercice de méditation de samatha qui prend la lumière comme objet, dont l'objet est la lumière. Cette pratique n'est pas vipassana, ce n'est pas du vipassana, mais dans le cadre de vipassana, on peut comprendre alokasanya comme le fait de noter l'objet de façon à le rendre bien clair et bien distinct. Donc voilà, ça c'était pour les deux significations de alokasanya, à la fois dans le cadre de samatha et de vipassana. Donc en pali, il y a une phrase qui dit alokasanya ariyanam niyanam, alokasanya ariyanam niyanti. Cela signifie que la perception de la lumière est l'échappatoire, la route, l'issue qui permet aux êtres nobles d'échapper. Parce que grâce à cette pratique, ils échappent à la souffrance. Les êtres nobles échappent à la souffrance. Quant à tinamida, en pali on dit anyanam avaranam, c'est-à-dire que tinamida est un empêchement à cette issue, à cet échappatoire, dans la mesure où tinamida obstrue cet échappatoire, empêche les gens de connaître cet échappatoire, empêche les gens de savoir comment rendre l'objet distinct, l'objet de méditation distinct. Quel type de lumière peut-on observer? Alors, aloka renvoie en premier lieu aux lumières naturelles, comme celle du soleil, celle de la lune, des lampes ou des lampes à gaz, etc. Mais elle peut aussi renvoyer à un autre type de lumière qu'on appelle en pali obasa, et c'est un type de lumière qui est généré par la méditation. Lorsque l'esprit est purifié des empêchements, est purifié des pollutions mentales, par exemple au stade d'Udaya Beyanyana, au stade des apparitions et disparitions rapides, mais aussi à d'autres stades de méditation, une lumière peut apparaître dans l'esprit du méditant. Parfois même, Cette lumière peut émaner du yogi. Il peut arriver qu'un yogi illumine la pièce entière de la lumière qui émane de son corps. Et donc Aloka Sanya, c'est observer ces lumières. La lumière a son propre pouvoir inhérent, même si on n'y prête pas attention. Ce pouvoir existe. Ainsi, quand il fait sombre, naturellement, l'esprit va se contracter, l'énergie va décroître, comme si l'esprit devenait paresseux. À l'inverse, lorsqu'il y a de la lumière, l'esprit est rafraîchi, ouvert. Lorsque on observe la lumière, on ajoute encore de l'énergie mentale à celle qui est inhérente à la lumière elle-même. Et ainsi, le caractère terne de l'esprit, la paresse, sont dissipés. L'esprit est plus frais et plus ouvert. Et c'est cette fraîcheur et cette ouverture qui empêchent les pollutions mentales d'apparaître. C'est parce qu'il y a cette fraîcheur et cette ouverture que les pollutions mentales ne peuvent apparaître. À l'époque du Bouddha, le vénérable Moggallana, qui était le second disciple en chef du Bouddha, avait déjà atteint le stade du Sotapanna, le premier stade d'éveil, celui qui a vaincu le courant. Et il méditait afin de réaliser des stades de connaissance plus élevés encore. Mais alors qu'il méditait, il dodelinait de la tête. Le Bouddha le sut, vint à lui et lui donna sept façons de surmonter la somnolence. J'ai déjà mentionné cette façon de surmonter la somnolence précédemment. Et parmi ces sept façons de surmonter la somnolence, il y avait la perception de la lumière. Donc le vénérable Moggallana utilisa ces sept méthodes et il parvint ainsi à surmonter la somnolence. Il parvint à gagner les stades supérieurs de l'éveil et de réaliser l'état d'arhat. Donc c'est le pouvoir de Alokasenya du fait de regarder la lumière. Lorsque l'esprit est terne, que le yogi est somnolent, il devrait éliminer cette somnolence en regardant la lumière et ensuite il devrait développer Vipassana. S'il développe Vipassana, il parviendra à la véritable paix. C'est pourquoi on dit que cette technique d'observer la lumière est un jnana, un échappatoire qui permet d'échapper à la souffrance. Dans le cadre de la pratique de Vipassana, Alokasenya signifie donc observer la lumière dans le but de rendre la prise de note claire et distincte. Et cette prise de note claire et distincte permettra d'éliminer la morosité ou la paresse. En agissant de la sorte, le yogi ne peut pas pratiquer de façon superficielle, de façon négligente. C'est comme, donc en anglais on dit perfunctorily, c'est comme effectuer un travail de façon superficielle. Le yogi doit renforcer son énergie mentale et pour le faire, les qualités vitaka et de l'effort sont très importantes. Donc vitaka, en pali, c'est le ciblage. C'est un facteur qu'on retrouve aussi dans la pratique de samatha, c'est un facteur jhanique, mais qui est utile aussi donc dans le cadre de vipassana. Et viriya, c'est l'énergie, l'effort. Donc c'est cette qualité qui va rendre l'esprit éveillé, alerte et actif. Et ces deux facteurs, donc vitaka et viriya, sont essentiels pour surmonter tinamida, la morosité de l'esprit. Lorsque tinamida est présent, l'esprit est contracté et fermé. Et par contre, quand vitaka est présent, l'esprit devient ouvert et rajeuni ou vivifié. Donc au départ, l'esprit est peut-être sous la coupe de Tinamida, influencé par Tinamida, il est contracté, fermé. Mais lorsque le yogi observe l'objet avec donc Vitaka, avec le ciblage, en ciblant l'objet, l'esprit fleurit et s'épanouit, devient actif et vif. L'effort aussi est nécessaire. Nous devrions toujours être alertes et énergiques. Nous devrions être concentrés sur l'objet d'observation. Donc Viriya, l'effort permet de parvenir à l'objet et permet de se concentrer sur l'objet. Lorsque ces deux facteurs de Vitaka et de Viriya sont constamment présents, l'esprit commence à adhérer à l'objet comme s'il frottait contre l'objet. Et la prise de note devient effective. Donc Viriya permet de parvenir à l'objet, il amène l'esprit à l'objet, et Vitaka, le ciblage, connecte l'esprit à l'objet. Mais quand l'esprit commence à adhérer à l'objet de façon continue, de façon soutenue, c'est encore un autre facteur jhanique qui entre en jeu. Et ce facteur jhanique permet de rendre l'esprit ouvert et énergique. Et à ce moment-là, Tinamida est dissipé. C'est pour ça qu'on dit que c'est un ayana. Parfois, les gens se préparent à un lieu pour méditer très luxueux. Il n'y a pas beaucoup d'exemples ici, mais dans certains endroits, on peut voir ça parfois. Donc, des méditants qui se préparent à un lieu vraiment très confortable. Mais en réalité, quand on est trop dans le confort, on ne voudra pas trop fournir d'efforts. Si dès le départ, on a peur d'être fatigué ou d'avoir des douleurs, on sera encore moins enclin à fournir un effort. Si en plus la prise de note est superficielle, qu'on se contente en quelque sorte de réciter soulèvement, abaissement, comme on réciterait une liste de courses ou une liste pour la lessive, le ciblage ne sera pas précis et très vite, l'esprit va être envahi, va devenir terne, va se contracter, va devenir somnolent et le yogi va commencer à dodeliner de la tête. Dans ce cas, le yogi a besoin de l'aide de Vitaka et de Viriya afin de rendre l'objet distinct. Si le yogi médite de façon à énergiser et à équilibrer ces deux facteurs, l'objet va devenir très clair et que ce soit le jour ou la nuit, il restera clair. Le yogi ne ressentira pas de fatigue, même pendant la nuit, et parfois il se préparera à aller dormir mais ne dormira pas. Le yogi peut continuer à noter l'objet qui apparaît sans cesse, de façon automatique, parce qu'il a évacué Tinamida, il a surmonté Tinamida. L'objet est très distinct, c'est cela qu'on appelle Alokasanya. Avec ce type de qualité mentale, le yogi peut développer la connaissance Vipassana, ensuite il peut développer la connaissance du chemin et sortir du samsara. C'est pourquoi on appelle cela niyana ou échappatoire. Donc il est bon simplement de se souvenir de ce mot alokasanya, lequel renvoie à deux choses, à deux méthodes. La simple méthode de regarder la lumière, une lumière physique, pour vivifier l'esprit, ou dans le cadre de vipassana, les façons d'activer les deux qualités mentales de l'effort et du ciblage de l'objet, afin de rendre l'objet distinct. On peut utiliser ces deux méthodes, et si on utilise l'une des deux, seulement on peut être sûr d'être en mesure de surmonter Tinamida, la paresse et la torpeur. Donc, Tinamida renvoie à deux choses, à la fois à l'esprit terne et paresseux, en en raison de la somnolence, mais aussi il renvoie à cet esprit extrêmement paresseux et qui ne désire absolument pas observer l'objet qui apparaît sans interruption. Donc Tinamida, évidemment, est une obstruction au Niyana, à l'Okasenya. Et donc, il est important de, lorsque ce facteur de Tinamida est présent, d'être déterminé à noter sans discontinuer, de façon ferme, jusqu'à ce que l'objet soit à nouveau clair et distinct et que la somnolence puisse ainsi être dissipée. Le Bouddha a utilisé un autre mot pour décrire cet effort alerte qui doit être déployé, c'est le mot atanido, qui signifie donc tireless. Tireless. Un effort without tiring. Un effort sans fatigue. Donc il y a deux façons d'être fatigué. La fatigue donc décrit deux situations. D'abord, une fatigue qui est due à l'esprit terne, et dans ce cas-là, on commence à dodeliner de la tête. Et deuxièmement, la fatigue qui est due au refus d'accomplir quoi que ce soit. Donc la paresse est une force puissante et destructrice. C'est l'ennemi proche et le plus cruel pour le méditant, parce que même s'il cherche à méditer, le yogi reste peu désireux de pratiquer, ou alors il pratique mais pas vraiment activement, et il ne parvient pas à pratiquer suffisamment que pour développer la concentration et la vision pénétrante. Et si le yogi est débarrassé de ce type de paresse, alors on dit qu'il est atandito, donc il pratique sans interruption. La paresse est très cruelle. Elle opprime les méditants qui cherchent à pratiquer de façon confortable et luxueuse. C'est aussi une qualité qui est très destructrice. Si la personne en est fort habitée, peu importe le temps qu'elle consacrera à la pratique, elle ne parviendra pas à progresser. Et si des difficultés apparaissent, ça rendra la situation encore pire. Je vais continuer à expliquer un peu plus les caractéristiques de Tinamida afin que vous compreniez mieux. Donc la caractéristique naturelle de Tinamida, c'est le manque de détermination. Lorsque cette qualité est présente, l'esprit se contracte si des difficultés s'annoncent. Et si ces difficultés sont inévitables, qu'il ne peut leur échapper, il leur fait face, mais il est incapable de leur résister. Donc ces personnes ne sont pas capables de serrer les dents et de fournir l'effort afin de surmonter la difficulté. L'esprit, au contraire, se contracte. Lorsqu'on a peur, l'esprit se contracte. Et c'est ça qu'on appelle en pali anusaha. Lorsque l'esprit est contracté ou rétréci, il devient terne, il devient lent, il n'est pas frais. On peut dire qu'il est paresseux, il traîne. Donc quand l'esprit est ainsi à la traîne, Tinamida le submerge et cet esprit n'est plus capable de maintenir la posture bien droite. Il s'endort, la tête dodeline de façon répétée. L'esprit est affaibli. Et donc on sait clairement que Tinamida a envahi l'esprit lorsqu'on commence à dodeliner de la tête. Donc Tinamida submerge l'esprit. Et l'esprit est débilité, affaibli. Le Tinamida emporte la vigueur de l'esprit. L'esprit se ferme au lieu d'être ouvert vers l'objet. On peut comparer ça aussi à du beurre refroidi qui se solidifie. Donc l'esprit devient, pour ainsi dire, gelé. Un peu comme le beurre qui refroidit, d'abord il devient plus épais et puis il devient dur. Et cette dureté, on la retrouve aussi dans l'esprit. Par exemple, si quelqu'un s'endort et que le professeur vient le lui faire remarquer, c'est possible que cette personne se mette en colère parce que son esprit est durci. Son esprit est durci et devient plus grossier. Donc, lorsqu'il faut liquéfier le beurre, il faut le chauffer. D'abord, il devient mou et puis finalement il se liquéfie. Et dans la pratique de la méditation, c'est la même chose. Il faut appliquer l'effort courageux, virya. Donc cet effort, on l'appelle aussi effort ardent, atapa virya. On connaît ce mot du Mahasatipatthana Sutta où on dit atapi. Et donc ce type d'effort, c'est ce qui est nécessaire, c'est ce dont on a besoin. Donc l'esprit doit être alerte, doit être déterminé à connaître chaque objet qui apparaît sans interruption. Il faut chauffer l'esprit. Et quand l'esprit est chauffé, Tinamida ne peut pas, n'est plus en mesure de solidifier ou de gélifier l'esprit. Donc tout ça c'est pour Tina. Maintenant voyons Mida. On dit en pali Asati Vigata. Donc Mida, c'est la qualité de l'esprit qui est totalement dépourvu de sati, de l'attention, asati donc. Et vigata, ça signifie lassitude. Lorsqu'une personne est somnolente, elle a envie d'aller dormir. L'attention qui est nécessaire pour accomplir n'importe quelle tâche est absente. On parle de la lassitude des états concomitants, des concomitants mentaux. Et donc, Mida, c'est une lassitude qui est due à un manque de sati. Donc, pour récapituler, Tina, c'est la qualité de l'esprit contracté qui ne veut pas fournir d'efforts, alors que Mida, c'est la qualité de l'esprit lassé en raison d'un manque de sati. Donc j'aimerais revenir un peu en arrière. J'ai dit qu'il y avait sept façons de surmonter Tinamida. En fait, certains d'entre vous les connaissent, mais d'autres ne les connaissent pas. Donc j'aimerais les récapituler rapidement. Est-ce que vous vous souvenez des sept façons de surmonter Tinamida? Ok, donc je vais déjà traduire ça. La première et la deuxième façon. Donc première façon, on change d'objet. Si vous observiez par exemple le soulèvement et l'abaissement de l'abdomen, mais que l'esprit est lassé, n'a plus envie de le faire, vous pouvez noter un autre objet, assis, touché. Et quand l'esprit est rafraîchi, vous revenez à l'objet initial. Deuxième façon, vous essayez de vous remémorer quelque chose que vous avez mémorisé antérieurement, par exemple des textes du Dhamma ou que vous connaissez. Si vous ne connaissez pas de texte du Dhamma, vous pouvez vous remémorer autre chose que vous avez en mémoire. Et une fois que l'esprit est rafraîchi, vous revenez à l'objet initial. Donc troisième façon, vous récitez quelque chose que vous avez mémorisé. Donc vous vous rappelez de quelque chose que vous avez mémorisé, mais cette fois-ci, vous le récitez à voix très basse parce qu'il y a d'autres gens. Et ça va énergiser l'esprit. Et c'est un moyen donc de faire émerger vitaka, donc la qualité de vitaka, du ciblage de l'objet. Et quatrième façon, vous vous tordez les oreilles très fort, très durement, ou alors vous vous frottez vous-même. Alors la cinquième façon, c'est ce dont on vient de parler, donc c'est alokasenya, c'est-à-dire soit regarder la lumière physique, soit dans le cadre de vipassana, rendre la prise de notes encore plus distincte. Donc, chaque fois, si la première méthode ne fonctionne pas, vous passez à la suivante, mais si l'une de ces méthodes fonctionne, alors vous reprenez l'exercice que vous étiez en train de faire, la méditation initiale que vous étiez en train de faire. Mais donc, la sixième méthode, si les cinq premières n'ont pas fonctionné, c'est de vous mettre de l'eau sur le visage. Et la septième méthode, c'est de pratiquer la marche. Donc ça, c'est les sept méthodes. Maintenant, si aucune des sept ne fonctionne, le Bouddha a dit que vous pouviez aller dormir. Donc, ce qui aide vraiment, c'est d'abord connaître ces sept méthodes et ensuite de les mettre en application l'une après l'autre systématiquement. Et à chaque fois que vous prenez en main donc la somnolence, que vous faites les exercices, vous allez améliorer votre capacité à gérer cet empêchement et vous aurez de moins en moins besoin de faire tous les différents points de la liste. Vous pourrez, après quelques points, vous serez déjà parvenu à surmonter la somnolence et vous allez rendre le champ d'observation de plus en plus distinct. Donc nous devons avoir le pouvoir de cibler l'objet qui est activé et nous devons aussi avoir l'effort courageux. Une personne qui comprend les bénéfices qu'il peut retirer de la pratique et qui a une foi complète dans la pratique et le désir de d'acquérir les bénéfices qu'il peut en retirer aura souvent d'emblée, dès le départ, cette qualité de l'effort avec lui. Si le yogi applique un effort continu pour observer l'objet, il crée de la chaleur et Tinamida ne va pas apparaître. Et même si Tinamida apparaît malgré tout, ce facteur ne sera pas si fort et pourra relativement facilement être surmonté. Lorsqu'un yogi note les objets de façon distincte, les objets deviennent distincts, les objets deviennent lumineux. L'esprit devient rapide et la pratique devient bonne. Et ce yogi pourra rapidement développer une concentration et une connaissance spéciale dans un temps assez bref. Et j'espère que vous serez tous en mesure de développer ce type de concentration et de connaissance spéciale. Sadhu, sadhu, sadhu. And when the yogi notes the object distinctly, as indicated by this method of alokasanya, the object becomes distinct and bright, and the mind becomes swift, and the practice becomes good. So that sort of person will gain special concentration and knowledge in a short time. And I hope that all of you will be able to do so. Sadhu, sadhu, sadhu.